La désillusion, l'illusion, hein, l'illusion, puis la désillusion. Et je voulais juste lire un passage de le cellophane, il s'amuse. En autant que vous ne vous amusez pas avec, ça va aller. Il s'amuse, hein, laisse le faire, c'est beau. Ça ne me dérange pas, tête. C'est moi qui le dérange. Donc voici un extrait de l'article qui disait « Il aurait fallu près de 50 ans après le début de la mise à mort du tatouliciste québécois pour que l'on commence à prendre conscience de ce qui s'est éteint avec lui. » Ça, c'est un professeur de philosophie, Daniel Tanguay, qui dit ça. Pleine de bruit et de fureur, la foule s'est acharnée à piétiner ce qu'elle avait auparavant adoré. Est-ce qu'on réalise ça? Ah, je l'ai mis là? Je m'en souviens plus. Le tatouliciste est aujourd'hui spirituellement mort au Québec. Il a été vaincu par le rire et la dérision. Nous vivons la fin d'une époque. La révolution tranquille est bel et bien terminée au Québec et la société québécoise est pleinement devenue une société post-catholique. Tel genre de prière que cela pourrait vous inspirer à faire pour le Québec, dans notre province, dans notre quartier ici. Pour ceux qui sont plus jeunes, vous n'avez pas connu le défilé de la Saint-Jean-Baptiste. Non, aujourd'hui, on parle de défilé, hein, de la fête nationale. Mais justement, dans l'article du Devoir, il faisait état que, je ne me souviens plus en quelle année, lorsque la fête de la Saint-Jean a été récupérée par le Parti québécois, et puis pour en faire la fête nationale. Et puis, juste à ce moment-là, il y avait toujours un petit Saint-Jean-Baptiste dans le défilé de la Saint-Jean. Combien s'en souviennent? Hein? Vous l'avez vu? Il y avait toujours le dernier chariot, hein? le dernier char allégorique. Il y avait le petit Saint-Jean-Baptiste, un petit blond, bouclé. Hein? Dans toutes les villes, c'était le concours à savoir, hein? L'enfant de qui serait sur le char allégorique pour faire le petit Saint-Jean-Baptiste. Et puis, à un moment donné, on a évacué le petit Saint-Jean-Baptiste. Pour quelle raison? Vous savez pour quelle raison? Pourquoi qu'on a enlevé le petit... la religion du laïc, en fait. En partie. Il tenait une croix, oui. Il y avait un mouton, hein? Oui. Pourquoi qu'on a évacué, enlever le petit Saint-Jean-Baptiste de la défilée. Catherine. Right. C'était, le Devoir dit, c'était à cause du symbole, ça représentait de l'infantilisme de l'Église, de la religion sur le Québec. Parce que c'était un symbole de l'infantilisme de la religion. Qu'est-ce que ça nous inspire lorsqu'on pense à communiquer notre foi aux gens de notre quartier, les gens de votre entourage, à votre travail? Quel genre de prière que cela pourrait vous inspirer à faire? Ou bien donc, est-ce que vous avez une réflexion par rapport à ça? Par rapport à ce que je viens de lire, ce qu'on a dit par rapport à l'infantilisation de la religion. Je partageais il y a quelques semaines, où je disais qu'il y a quelqu'un qui voulait amener quelqu'un à l'Assemblée. Puis la personne, c'était quelqu'un de jeune, dans la vingtaine, 25, 26 ans. et la personne a la foi. Mais une des raisons pourquoi elle ne veut pas venir ou hein, entrer dans une église catholique ou protestante, c'est cette personne-là hein, disait justement, je ne veux pas avoir de compte à rendre. Parce que pour eux, encore, pour bien des gens, église égale infantilisation. Je ne veux pas être infantilisé, je ne veux pas qu'on réfléchisse à ma place. Hier, j'écoutais, c'était-tu... ouais, c'était aux informations, au bulletin d'information. Mais là, je ne me souviens plus qui a dit ça. C'était quasiment ses paroles. Où il parlait par rapport au contexte politique et religieux. Puis il parlait du fait que le Québec avait rejeté la religion, en partie à cause de l'infantilisation de l'Église. Qu'est-ce que ça vous inspire comme réflexion ou comme prière? À vous la parole. Denise? Je sais pas, moi, ça me fait penser que le Québec a jeté le bébé avec l'eau du bain, en évacuant la religion catholique dans ce qu'elle était à cette époque-là, parce que je pense pas que le catholicisme a fait seulement des mauvaises choses, mais comme il s'exerçait. Donc, le Québec a rejeté tout. Là où je suis rendue dans ma vie, je vois tellement plus Dieu comme quelqu'un qui veut que je m'épanouisse, quelqu'un qui veut que je découvre mes talents, que je les mette au service des gens, que j'aimerais ça que le Québec, justement, puisse comprendre que c'est au contraire, le Québec veut s'épanouir, puis grandir, puis voir justement que les talents, parce qu'on a plein de talents au Québec, hein, on n'arrête pas de le dire, mais ça puisse être une société heureuse que Dieu n'est pas là pour nous empêcher de nous épanouir, mais au contraire, pour que notre société s'épanouisse. C'est ça que ça m'amène, là, comme réflexion, que Dieu, c'est l'épanouissement, c'est pas, pas l'oppression, le vrai Dieu. Que le Québec découvre le vrai Dieu, pas le Dieu qui a été présenté. L'article, évidemment, s'adresse hein, à la religion qui a marqué le Québec, le catholicisme. Mais est-ce qu'on peut dire que les églises évangéliques, et jusqu'à un certain point protestantes aussi, mais est-ce que les églises évangéliques ont pris part aussi à cet écrasement de l'homme, à cette infantilisation? Est-ce que oui ou non? Michel? Je dirais que l'Église évangélique est jeune, hein, une église. Donc elle a fait ça, mais après, donc après que la Révolution tranquille a commencé, hein, les églises catholiques se vidaient au profit des églises évangéliques qui grandissaient. Et l'Église évangélique a profité de cet exode-là, mais n'a pas changé de message et ça a fait a donné le même résultat. Ça nous a posé beaucoup de temps. Catherine? Oui, maintenant, on a affaire à deux catégories québécoises, si on veut, ceux qui ont vécu les abus de l'Église catholique, qui ont un ressentiment face à la foi à cause de ça, mais aussi leurs enfants qui, eux, ne connaissent aucune espèce de culture religieuse, et c'est comme si on s'adressait à des tabous. Ils n'ont pas de préjugés contre la foi. Mais ils ne connaissent rien, tout est à faire. Donc, il y a les plus vieux qui sont hostiles, les plus jeunes qui ne savent pas, qui ne comprennent pas, qui ne voient pas la pertinence. Fait que c'est deux messages. On a adapté notre message de deux façons selon les groupes d'âge. C'est un défi, là. C'est comme si ça allait dans un pays qui n'en a jamais entendu parler pour les plus jeunes. Tout à fait. Je voulais juste voir, Julie, tu avais partagé hein, la semaine dernière à la table de travail que les jeunes de ton entourage, que là, tu peux nous raconter, tu veux nous... Souvent, c'est ça, quand je disais aux jeunes que je connais, quand je leur disais que j'allais à l'église, souvent, la première image qui leur venait, c'est que j'étais catholique, puis j'allais dans les grosses... cathédrale et tout ça. Puis quand je leur disais que j'étais chrétienne, ben ils savaient juste pas c'était quoi le protestantisme. Mais j'étais content ouais. Pour toi que tu sois protestante et non pas catholique. intéressant comme remarque que tu avais fait. Denise, ensuite Michael. C'était juste pas bien ce que Catherine disait en ayant enseigné les cultures religieuses à des jeunes de secondaire 1. Je voyais que c'était, à part des élèves qui avaient déjà une culture religieuse dans leur famille, à part ça, il n'y avait absolument aucune notion même de qui était Jésus-Christ. Et toutes les petites histoires qui pour nous sont très évidentes, Noël, Pâques, tout ça, c'était l'inconnu. On s'adresse vraiment à deux catégories de personnes. Deux catégories. Prenons un moment de prière. Quelle prière ça vous inspire? C'était pour dire Alphonse, Justus, Romuald, Emerance, Catherine. Peut-être le discours qu'on tient ce matin, vous pouvez plus ou moins vous identifier à ça, parce que vous êtes, votre vécu est un autre vécu complètement par rapport à l'Afrique. Mais je ne sais pas si vous êtes sensible à cette dynamique qui se vit au Québec par rapport à la foi, par rapport, on parle, les gens ont jeté le bébé avec l'eau du bain, cette dynamique-là. Et puis, c'est pour vous, j'imagine que c'est pas toujours évident. Alphonse? Oui, moi je ne suis pas surpris pour le comportement de l'Église catholique. Je suis de ceux qui sont auprès sur la presse, à travers le monde. J'ai vu dernièrement en Irlande, la population se plaignait comme ce qui se passait ici dans notre province. Ça passait même dans mon pays. Il y a eu aussi beaucoup d'abus. Donc c'était aussi beaucoup. Mais on a pensé que à une certaine période, quand l'Église évangélique a pris de la place, on a pensé que les choses, les leaderships allaient changer la direction. Mais on a trouvé que l'Église a presque perdu la mission. La mission de coordonner la population à reconnaître le bon Dieu, que l'homme espère en Dieu, c'est un Dieu que je peux trouver la vie. La vie dans tous les sens, la vie matérielle, la vie intellectuelle, à tous les niveaux. Mais ce qui se passe ici, c'est regrettable parce que c'est presque à toutes les générations, tout est presque effacé ce qui concerne la religion. C'est-à-dire que je me reviens un peu à ce que nous avons fait dernièrement. Je pense que Dieu aidant, ça peut aider beaucoup de jeunes qui peuvent s'approcher au travail que nous avons fait la semaine passée. Dieu est là parce que maintenant, on veut vraiment que les jeunes comprennent que ce n'est pas l'Église catholique qui doit rester, qui doit garder le leadership plutôt, et c'est l'Église a une place particulière pour mener son travail. Ok. Prenons un temps de prière. Là, je regarde là, j'ai du matériel pour 2 heures. Mais... on prend un temps de prière. Quelqu'un veut lever la voix, prier pour la population du Québec. Seigneur, c'est ton peuple. Nous sommes ton peuple. Nous sommes ta création. Paul nous invite à prier, à te louer, t'adorer. Je veux d'abord te remercier parce que malgré que nous sommes devenus un peuple post-catholique, je dirais même post-chrétien, nous avons encore le droit et la liberté de se rassembler ici ce matin et t'adorer librement dans cet endroit, en plein cœur de Schlager Maisonneuve, en plein cœur de Montréal. Et beaucoup d'autres ce matin font pareil. Et on veut te remercier pour cela. Seigneur, nous sommes dans un peuple post-catholique, ce qui veut dire qu'il est difficile pour nous de pouvoir exprimer sur la place publique la foi. Il est difficile pour l'Église d'avoir une place là où elle a débuté, à prendre soin des gens. Aujourd'hui, les œuvres humanitaires, les œuvres sociales sont partout présentes et l'Église est absente et sa place n'est pas là. Ils ne la veulent pas là. Et Seigneur, nous savons que c'est aussi notre place en tant que croyants. Ouvre les portes. Continue à les ouvrir. Merci pour les gens persévérants comme Sandy qui s'installe sur ces tables de concertation dans Schlager Maisonneuve et qu'avec sa foi, elle puisse exprimer aussi la place de l'Église. Seigneur, qu'on puisse voir ton Église se lever et être une lumière calme et douce, agréable à regarder dans un monde de ténèbres. Il n'y a pas que des bonnes, des mauvaises nouvelles d'être post-catholique, il y a aussi des bonnes nouvelles. Nous avons la chance de pouvoir exprimer que nous sommes protestants. Ouais. Et que notre Dieu est un Dieu doux et compatissant, qui ne juge pas. Mais qui accepte tel qu'on est. Seigneur, je me plais à dire que tu m'aimes tel que je suis. Et que parce que je te suis, tu m'aimes trop pour me laisser comme ça. Merci. Transforme Hochelaga Maisonneuve, transforme Montréal, transforme le Québec. Non dans un monde qui va te rejeter davantage encore et encore, mais qui va comprendre que tu es Dieu au-dessus de tout. Que tu nous aimes par-dessus. Amen. L'article continue en disant que, je résume, que le Québec demeure profondément religieux, malgré tout. Malgré tout, le Québec demeure profondément religieux. Il présente une inventivité religieuse empruntant des voies typiquement modernes, subjectives, individualistes, etc. Donc, les gens demeurent quand même très croyants, religieux, mais leur foi ne passe pas par la religion ou par l'Église. Intéressant, hein? Que ça, c'était un. Celui-là, c'était un. C'était plus le philosophe qui parlait, c'était quelqu'un d'autre. Aussi un professeur à l'Université Laval, c'est ça, à l'Université Laval. Le Québec demeure profondément religieux. Parlons de Dieu. Hein? Parlons de Dieu. Partageons notre foi. Je mentionnais nos amis du Congo, puis j'ai oublié Frank d'Haïti. Côte d'Ivoire, excuse. Oh, pardonne-moi. C'est ça. Donc, les gens qui viennent d'ailleurs, parfois le contexte social du Québec. Chez moi, comme j'ai des collègues internationaux, là, c'est un Marocain, athée. Fait que, c'est ça, on discute des fois. Puis. Je trouve ça étrange, comme j'avais un Augustin qui était du Togo. Et je ne comprenais pas pourquoi que le Québec avait rejeté comme ça. Alors, le présent, l'ambiguïté entre est-ce qu'on est Québécois, Canadien, le Canada. Juste en terminant. Parce que j'ai encore bien des diapos, là, mais Michel, on va fermer ce diapo-là. Parce qu'on ne prendra pas le temps de parler du Canada, mais il faut prier pour le Canada aussi. Il y a un sondage. Un sondage qui a été fait cette semaine. Disons, en vue du G8 puis du G20, qui se déroule à Toronto, hein, ça prend fin aujourd'hui. Alors, on avait recommandé un sondage qui s'est tenu auprès de 18 642 adultes sondés dans 24 pays. Comment que les gens étrangers voient les Canadiens? Alors, on leur proposait des réponses. Et puis, entre autres, on demandait aux gens comment qu'ils... Là, dans la presse d'hier, il y avait cette... Les Canadiens sont plus polis que sexy. Plus polis que sexy? Voilà. Plus polis que sexy. Alors, Foulia en parle dans la presse hier. Bon. Et puis, ce sondage mondial était concurremment mené aussi au Canada. Le Canada est un pays accueillant pour les immigrants. D'accord, 72% des étrangers. Tandis que 94% des Canadiens n'en reviennent pas d'être aussi accueillants. Intéressant. On se trouve davantage accueillants que les étrangers nous trouvent accueillants. Mais ça me donne de prier pour le Canada. J'aurais aimé qu'on prenne un temps de prière pour le G20, puis je crois que leurs décisions sont déjà prises, là. Mais du moins, prier pour que les décisions qu'ils ont prises, ce ne soit pas seulement des paroles en l'air, mais que les chefs de gouvernement passent à l'action pour faire ce qu'ils ont dit qu'ils feraient, qu'ils débloquent l'aide pour les pays pauvres. Donc, hein, c'est ça, on peut prier pour eux. Mais je pensais aussi aux Premières Nations. Les Premières Nations, dans différents pastorats que j'ai eu au Québec, à quelques reprises, j'ai été en Abitibi, à La Sarre 2 ans, entre autres, où j'ai travaillé avec les Amérindiens. Les Cris, donc, les Cris sont anglophones. Alors, j'ai travaillé avec eux dans leur réserve. J'étais comme leur pasteur, tout un temps de pasteur pour l'église de La Sarre. J'allais dans la réserve une fois par semaine faire des réunions pour eux. Alors, c'est aussi un peuple que j'aime. Et puis, je voulais juste vous faire entendre une chanson de Samian qui parle de la réalité. La paix des braves. Je ne sais pas si peut-être les jeunes connaissent plus, c'est du rap. Et puis, j'aime bien cette chanson de Simeon, La paix des braves. Elle parle de la situation que les Amérindiens vivent. Et puis, là, si on pense à prier pour le Québec, prier pour le Canada, pensons aussi à prier pour les Premières Nations. Simeon est un croyant. Je ne sais pas s'il est... de foi protestante ou catholique. Beaucoup des Amérindiens dans le Nord ont été beaucoup évangélisés par des évangéliques. Alors peut-être Racine Pentecôtiste, je sais qu'il y a beaucoup d'évangélisation qui s'est faite dans les réserves par les églises de Pentecôte. Mais dans ces chansons, Dieu revient souvent. Et puis il va même dire dans une de ces chansons, « Tu peux rire de moi parce que je crois en Dieu, mais tu as le droit de rire si tu veux. » c'est comme... il prend bien ça. Fait que, on va écouter sa chanson, et puis ensuite, on va terminer par une prière. On priera ensemble, OK? Alors, j'ai pensé que ça serait agréable, hein? Ça mettrait un petit peu de vie pour les jeunes aussi, puis... C'est du slam? C'est du slam, OK, c'est du slam. Ça s'approche du... Il y a un problème. À mon avis, il y a un problème. Le son ne suit pas la musique. Il faut juste repartir. OK. Ça, c'est peut-être parce qu'il t'a arrêté depuis longtemps. Ça marche pas? Bon, ok, on laisse tomber. On laisse tomber. On peut se lever, puis terminer par la prière. On peut entendre deux, trois personnes prier. On a parlé de le Canada aussi, le G20, les Premières Nations. Qu'est-ce que ça vous inspire comme prière ce matin? On se sent plus québécois ou canadien, Seigneur. Au fond, là, elle pose la question, Seigneur. Ce que moi, je prie, en tout cas, c'est que les gens, les Québécois, les Canadiens, puissent te redécouvrir, te découvrir peut-être même, Seigneur. Parce que je ne suis pas sûre que le vrai Dieu leur est apparu, Seigneur. Alors, je te prie qu'à travers les prochaines années, il y a des gens qui porteront ton nom, Seigneur, dont nous, d'une façon plus concrète, plus réelle, un Dieu, le Dieu tel qu'il se révèle, Seigneur. Et nous te demandons de nous aider à transmettre, Seigneur, à être des images de qui tu es, toi, Seigneur. Je te prie vraiment de nous aider parce que la tâche n'est pas facile, Seigneur. Bénis notre pays. Bénis notre province et notre province-pays aussi. Amen. Bénis notre ville. Puisque tu dis de prier pour la ville parce que notre paix en dépend. On te prie aussi pour notre ville, ce quartier. Il y a cette parole dans le psaume 12, verset 5, où le psalmiste dit, « Mais maintenant, j'interviens, dit le Seigneur. » À cause des pauvres qu'on opprime et des malheureux qui gémissent, je porte secours à celui qu'on écarte d'un revers de main. On te prie pour les exclus de la société, pour ceux qui se sentent mis de côté. On vient tout juste de sortir d'une crise économique. Qui a été amorcé par les grands de ce monde, les riches de ce monde. On dit souvent que les riches sont plus riches et les pauvres sont maintenant plus pauvres. Alors on te prie pour nos chefs de gouvernement, afin que dans leurs décisions, qu'ils ne pensent pas seulement à privilégier les riches, mais aussi que des politiques soient mises en place pour aider, venir en aide, ici même dans notre province, dans notre pays, mais aussi dans le monde entier. Alors que les chefs du G20, les hommes politiques sont réunis aujourd'hui à Toronto, que des politiques soient prises qui vont favoriser les pauvres, les exclus, puisque c'est toi-même qui prends la parole dans ce psaume pour dire, mais maintenant j'interviens. J'interviens à cause des pauvres, des opprimés, des malheureux qui gémissent. Entends leurs cris et aide-nous à faire partie de la solution, de la réponse. Amen.